Monsieur mon trésorier et maître, je vous en conjure. Encore. Ayez compassion de ma bonne aventure, ne portez point guignon à mon bonheur qui va son train si rondement. Ne lui fermez point le passage. Allons donc, misérable. Je crois que tu te moques de moi, tu mériterais 100 coups de bâton. Je n'y refuse point si je les mérite. Et quand je les aurai reçus, permettez-moi d'en mériter d'autres. Voulez-vous que j'aille chercher le bâton ? Marot. Marot soit, mais cela n'est point contraire à faire fortune. Ce coquin. Quelle imagination lui prend ? Coquin est encore bon, il me convient aussi. Un marot n'est point déshonoré d'être appelé coquin. Mais un coquin peut faire un bon mariage. Comment, insolent ? Tu veux que je laisse un honnête homme dans l'erreur et que je souffre que tu épouses sa fille sous mon nom ? Écoute, si tu me parles encore de cette impertinence-là, dès que j'aurai averti M. Orgon de ce que tu es, je te chasse. Entends-tu ? Accommodons-nous. Cette demoiselle m'adore. Elle m'idolâtre. Si je lui dis mon état de valet et que, nonobstant, son tendre cœur soit toujours friand de la noce avec moi, ne laisserez-vous pas jouer les violons ? Dès qu'on te reconnaîtra, je ne m'en embarrasse plus. Bon, je vais de ce pas prévenir cette généreuse personne sur mon habit de caractère. J'espère que ce ne sera pas un galant de couleur qui nous brouillera ensemble et que son amour me fera passer à la table en dépit du sort qu'il m'a mis au buffet.